Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée d'Anne-Marie Métellier. Anne-Marie Métellier, alors l'Anne-Marie Métellier des éditions Métellier, évidemment. Quelle excellente idée de donner son nom à une maison d'édition. C'est une idée peut-être un petit peu narcissique. Enfin, vous allez nous répondre, Anne-Marie Métellier. Bonsoir, Anne-Marie Métellier. Bonsoir, Philippe Garbi. Mais évidemment, donner son nom à une maison d'édition, si ce n'est pas narcissique, et ce n'est sans doute pas, c'est quand même très dangereux. Parce que imaginez que vous publiez de mauvais titres, de mauvais auteurs. Ce serait quand même catastrophique. Tout retomberait sur votre nom et vous auriez une honte. Mais c'est justement une façon de mettre un garde-fou à certaines choses et de revendiquer absolument tout ce que l'on publie et tout ce que l'on choisit. De viser l'excellence. Voilà. Voilà. Tous les cas, de se reconnaître dans ce qu'on fait. C'est Anne-Marie Métellier ou c'est Métellier, le nom de la maison d'édition? Lorsque j'ai créé la maison, c'était donc en 79, on m'a conseillé de ne pas donner mon prénom parce que ça allait me rendre la vie plus difficile avec les fournisseurs qui n'avaient aucune confiance dans les femmes. Et comme nous n'étions que deux sur le marché à être éditrices, c'est-à-dire Régine Deforge et moi, on m'a dit « vaut mieux mettre Métellier ». Prudence. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça reste Métellier. C'est Métellier. Alors, je n'ai pas lu tout votre catalogue, Anne-Marie Métellier, donc une maison qui a 30 ans. Je ne l'ai pas lu. Et c'est un... 40 ans. Oui, 40 ans. Je ne les parais pas. C'est ça. D'ailleurs, on dit, c'est un livre en soi, ce catalogue, mais surtout, il y a une manière de ne pas le lire, mais de le découvrir. C'est-à-dire ne pas le lire par ordre alphabétique, mais de le découvrir, c'est en allant sur votre site et en découvrant une carte du monde entier. Alors là, c'est très parlant, c'est très explicite, très instructif, parce que donc, on peut cliquer sur tous les pays, en tout cas les pays où se trouvent des auteurs que vous avez fait traduire pour les éditer en France. Alors par exemple, le Brésil, vous vous souvenez combien vous avez d'écrivains? Je pense qu'il doit y en avoir une quarantaine. Alors le site note 35, mais peut-être oui. Qu'il y a des contrats en cours et voilà. Le Pérou, j'en ai vu 6. Oui. Uruguay, 3. Oui. Argentine? Je ne sais pas. 14. Quand Chili... on aime, on ne compte pas, voilà. Vous savez. Chili, 10. Venezuela, 1. Mexique, 1. Cuba, 7. États-Unis, 21. Alors, si on va un peu plus à l'est, on peut aller en Mongolie. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a... Il n'y en a qu'un. Un seul, sauf qu'il n'écrit pas du tout... il écrit en allemand, non? Oui, mais c'est un être extraordinaire, Gal Sanchinag. Il est merveilleux. D'ailleurs, je l'ai découvert en le lisant en espagnol. Et c'est un chaman. Et quand il est venu présenter son premier livre, Ciel bleu, pour sa sortie, j'avais une attachée de presse qui parlait russe, et il lui a interdit de lui parler russe, bien que ce soit la langue dans laquelle il ait fait ses études. Et ensuite, en lisant son œuvre, je me suis rendu compte que lui, un enfant, tout va, a été obligé d'aller à l'école où il a dû apprendre la langue mongole. Et les professeurs ne leur parlaient qu'en russe. Et c'était la langue de la domination, et en particulier, c'est l'époque où ils ont l'Union soviétique a éradiqué la forêt dans la région où était Galsanchinag. Donc, il a décidé, je lui ai demandé, mais pourquoi l'allemand? Il me dit, parce que je m'intéressais aux dictatures. Alors, j'étais quand même un peu sidéré, il est né en 44. Et il m'a dit, mais non, c'était bien, les nazis m'intéressaient, donc je suis allé étudier en Allemagne de l'Est. Et il a appris la philologie germanique. Voilà. Et donc il a écrit en allemand. Il a écrit en allemand. Et il était publié où? En Allemagne. Publié chez Suhrkamp et Fischer. Et en Mongolie, il est publié? Oui. Et alors en Mongolie, il tient une agence de voyage. Et si vous voulez aller faire du cheval, il peut vous emmener dans les monts du Haut-Altaï. Alors, on continue la carte, les Caraïbes 1, l'Inde 2, pas n'importe qui d'ailleurs. Satyajit Ray, oui, pour des livres pour adolescents qu'il a fait. C'était une coédition avec le Seuil Jeunesse. Un petit Sherlock Holmes. Voilà, mais très drôle, hein, voilà. Parce que c'est les façons de penser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne la tête des gens et la psychologie, et comment on pense quand on est dans des civilisations différentes. C'est ça qui me fascine. C'est la seule chose que j'aime qui m'intéresse vraiment profondément. Ah, mais c'est pour vous intéresser à ces productions romanesques, en tout cas littéraires du monde entier, Anne-Marie Metelli, il faudrait que vous parliez une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de langues, c'est le cas ? Non. Non. Je suis très déçu. Non, pas du tout. Je suis sûre de moi en espagnol, en portugais et en italien pour lire. Et mes langues de travail sont l'espagnol et le portugais. Je veux dire que quand je travaille avec mes auteurs latino-américains, nous travaillons sur les manuscrits ensemble, de même pour les brésiliens ou les portugais. En italien, non. Je peux lire, mais je vais pas plus loin. Je ne sais l'anglais, je suis absolument nulle. Mais, et l'allemand aussi. Mais j'ai des lecteurs, vous savez, une maison d'édition, c'est... Mais j'ai des lecteurs dont je suis sûre, parce que nous avons les mêmes goûts, nous avons la même façon de lire, et nous avons gardé tous, que ce soit Keith Dixon, l'écossais, que ce soit Nicole Barry pour l'allemand, que ce soit Serge Quadrupani pour l'italien, nous avons gardé le même enthousiasme adolescent pour la lecture, et nous sommes capables de nous plonger dans les livres de la même manière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire submersion totale. Moi, je me réveille quand j'ai fini de lire un livre. Je reprends contact avec le monde. Et puis alors, il faut avoir une immense confiance dans ses traducteurs, parce qu'on se met dans les mains d'un traducteur quand on ne connaît pas la langue d'origine d'un texte. Mais comme on a des lecteurs qui peuvent contrôler les traductions... Mais la traduction peut être bonne, elle peut être meilleure. On peut, si ça se trouve, Anne-Marie Metelli, vous avez publié un excellent roman en français, traduit d'un roman moyen qui venait de je ne sais où. Je crois que je n'ai aucun talent, sauf j'ai de l'oreille pour les textes. Donc j'entends la musique des auteurs, je vous dis, dans les trois langues que je lis vraiment. Et j'essaie de trouver des traducteurs qui se mettent au service du texte, qui n'est pas une idée préconçue de ce qu'ils vont faire, mais qui... C'est l'auteur qui est important. C'est cette musique de l'auteur qu'il doit nous rendre. Et je fais faire des essais. Et et il se trouve que j'arrive à faire des mariages qui fonctionnent très très bien. Comment s'est passé le premier mariage ? On va revenir sur Anne-Marie Métellier avant la création de la maison d'édition Anne-Marie Métellier. Enfin, Métellier. Mais quelle était la langue que parlaient les personnages qui étaient nus ? Féroce et... Anthropophage. Ah oui, ça c'est un livre formidable. C'est votre premier livre édité. C'est mon premier livre. Je me suis formée en faisant ce livre. Il m'a été apporté par Jean-Paul Duviols, qui est un professeur à l'université. Il enseigne la littérature et l'histoire espagnole. Il est spécialiste des récits de voyages anciens. Et il m'a dit, ça je sens que c'est pour toi. Et... Il m'a donné ce livre, et là, ça a été extraordinaire. Il s'agit c'est un des grands best-sellers de la Renaissance. Il a été publié en 1556, et il a connu 35 éditions à ce moment-là. Et c'est un mercenaire allemand qui s'appelle Hans Staden, qui a été fait prisonnier dans la baie de Rio par une tribu Tupinamba, et il a passé dans cette tribu 9 mois à négocier de pas être mangé. Et là, quand il est rentré, il a raconté ses aventures et surtout, il les a fait dessiner. C'est une BD. Il les a fait dessiner par un graveur. Il y a des gravures sur bois et qui nous montrent toutes les scènes fortes de ce qu'il a vu. Un repas anthropophage assez intéressant avec des bras qui sont en train de griller sur le feu, les attaques des tribus ennemies, la façon dont ils étaient habillés, c'est passionnant. Mais ils sont sur une île. Ça se passe sur une île? Non, c'est dans la baie de Rio. C'est l'île de Saint-Vincent au large justement de la. Il est arrivé en bateau, il y a eu des escales. Enfin, on trouve toujours un ennemi à manger quand même. Bon. Oui. Mais avant de manger, Hans Staden, donc auteur allemand, qui a été votre premier texte édité, Anne-Marie Métellier. Donc comment êtes-vous venu à l'édition? Enfin, je le sais un peu, je sais que vous êtes arrivé par la sociologie. Oui. Très sérieux, ça. Bon, alors, j'ai fait des études de langue espagnole et portugaise à l'université, puis j'ai fait Sciences Po, Paris, Et puis, j'ai travaillé à la Maison des sciences de l'homme comme ingénieur de recherche. Et dans ce cadre-là, j'étais quelqu'un de très agité et je suis allée proposer à Bourdieu de travailler sur ce qu'il voulait. Donc, il a trouvé que bon, d'accord. Et il m'a envoyé faire une enquête sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Et j'étais ravie, mais très surprise, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un éditeur. Et je débarquais, vraiment. Je suis provinciale. J'étais enfin, pas dans le milieu. Province de Toulouse, mais née en Algérie. En Algérie. Oui. Dans une famille pas intellectuelle du tout. Donc, les éditeurs, j'ignorais à peu près ce que c'était. Mais il m'a dit que j'aurais un informateur indigène, qui serait Jérôme Lindon. Et Jérôme Lindon, étant le directeur des éditions et fondateur des éditions de Minuit, un monsieur absolument impressionnant et très prestigieux, qui a trouvé que c'était très très très bien de raconter. Vous savez, quand on prend un certain âge, on aime bien, il y a une pulsion biographique qui s'installe chez tous les êtres. Et lui, il était un tournant et il s'est mis à me raconter ce que c'était pour lui que son métier, sa vie, et c'était passionnant, passionnant. Alors, évidemment, il était assez cruel. Sarcastique. Il était sarcastique, ironique, mais il était surtout très passionné par ce qu'il faisait. Et je suis sortie de toute cette série, je crois que j'ai 50 heures d'interview de Lindon, je suis sortie de cette série d'interviews en me disant que, ok, j'allais faire les interviews des autres, j'allais faire tout, je ferais mon travail très bien, mais je voudrais vraiment voir ce que c'était de l'intérieur. Et c'est ça qui a été le déclencheur, et j'ai monté ma maison, voir comment ça fonctionnait. Mais là, vous avez oublié la sociologie, parce que quand on interview Jérôme Lindon pendant 50 heures... Mais j'ai fait mes nuages de points. J'ai rendu... C'est quoi vos nuages? J'ai rendu à Pierre Bourdieu mon enquête organisée de façon très scientifique, avec des statistiques, et il y avait la mode, c'était les nuages de points, où on classait les maisons d'édition en fonction de leur capital économique et de leur capital intellectuel. Donc il y avait un axe qui était économique et un axe, c'était le contraire, symbolique qui était vertical et horizontal l'axe économique. Et donc, on situait les maisons comme ça, on faisait un nuage et on voyait celles qui avaient le plus fort capital symbolique, mais en général avaient un capital économique assez restreint. Et il y en avait qui avaient, certains, il y avait un capital symbolique et un capital économique. Alors, vous vous souvenez un petit peu, là, donc il y a plus de 40 ans, en somme En 79, oui. J'ai fait l'enquête en 76, le monde a beaucoup, beaucoup changé. Bon, le monde de l'édition, beaucoup, oui. Oui, oui, beaucoup. Alors, en 75, 76, Gaston Gallimard venait de mourir, me semble-t-il. Oui, j'ai interviewé Claude. Mm-hmm. Et puis, il y avait les éditions du Seuil qui étaient vraiment... Gallimard est à part, c'est une institution. Hein, il n'a pas de problème de capital économique et de capital symbolique. Le Seuil était vraiment très, très bien placé. Lindon était... C'était le nec plus ultra. Et après les autres, moins bien. S'il y avait des hauts débats. Alors, dites-moi, avant, puisqu'on peut remonter le temps comme ça, avant, on a parlé de on a évoqué l'Algérie, Toulouse, mais la petite fille lisait quoi, puisqu'elle n'avait aucune idée de devenir éditrice, mais enfin, elle lisait des livres quand même. Ah oui, oui, je m'ennuyais beaucoup. Et donc, je lisais. Tant que j'étais en Algérie, j'ai épuisé la bibliothèque de ma grand-mère. Donc, c'était la littérature, les étagères auxquelles je pouvais accéder par ma hauteur. C'était tout à fait les classiques, Hachette, vous savez, Relier, Rouge ou Vert. Et puis, après, quand je suis arrivée à Toulouse, ma mère nous a inscrits dans un cabinet de lecture. Et là, j'ai commencé par ordre alphabétique. Et j'ai fait par ordre alphabétique tout ce qui me tombait sous la main. Je m'ennuyais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu une adolescence compliquée. Et je pense que maintenant, on se drogue. Quand on a le mal d'être de l'adolescence, quand dans ma génération, ben pour moi, on se droguait à la lecture. Vous avez attendu d'être arrivée à Zola pour devenir éditrice? Non. J'ai arrêté. Après, j'ai fait des études universitaires et ça a quand même mis un peu d'ordre dans ma vie. Alors, donc, les sciences humaines étaient très à la mode quand vous êtes entrée oui. donc à l'université. Ou entrer dans l'histoire de l'édition française. Quand j'ai créé ma maison d'édition, j'avais un but, c'était de faire des... J'avais travaillé à la diffusion de la revue de Bourdieu et je pensais qu'on pouvait faire mieux dans la rédaction des articles et dans la rédaction et qu'on pouvait faire des sciences humaines qui pouvaient... J'avais l'idéal de l'honnête homme... qui n'avait pas besoin d'être un spécialiste pour lire ces textes qui me semblaient très importants et qui étaient des outils pour comprendre le monde. Et je me disais qu'on pourrait peut-être, en travaillant un petit peu, arriver à les rendre beaucoup plus accessibles. C'est pas possible. Je me suis rendu compte très très très vite que c'était pas que j'avais une vision absolument hors sol. De ça, qu'il y avait des enjeux qui se jouaient, qui n'avaient rien à voir avec... Si, qui étaient des enjeux intellectuels, mais qui devaient être habillés d'autres manières, et pour paraître le plus difficile possible. Et puis, j'ai publié quelques textes, et c'est le moment où les sciences humaines ont commencé à décliner dans le cœur des lecteurs, et je me suis retrouvée, et c'était la dégringolade absolue. On n'achetait plus, alors que 5 ans avant, on achetait beaucoup de sciences humaines, on était très friands de ces textes. Et bien à partir de 79, au moment où j'ai commencé, ça a été la dégringolade totale. Donc il m'a fallu reconnaître que c'était un double échec. Un, parce que les chercheurs n'avaient aucune envie d'être compris. Et deux, je n'arrivais pas à les vendre. Et à ce moment-là, je me suis dit que peut-être dans les textes qui avaient été importants pour moi dans ma formation, dans des langues que je lisais et qui n'existaient pas sur le marché ou qui avaient été extrêmement mal traduits, on pouvait faire quelque chose. Et donc j'ai publié, le premier ça a été Les Brésiliens avec Machado de Assis. Et donc Casmuro, qui est mon livre favori, qui est le livre qui a transformé ma vie sentimentale, c'est sur la jalousie. Et puis... Vous auriez pu lire Proust aussi, mais... Oui, mais... Enfin, moi, bon. J'ai découvert Proust après. Oui. Machado de Assis. Vous étiez venu nous en parler il y a plusieurs années pour le Salon du Livre. Donc, Machado de Assis. Alors, eh bien, j'ai publié les œuvres complètes. J'ai 8 volumes de Machado de Assis à mon catalogue et avec un plaisir immense. Quel est votre préféré, donc? Donc, Casmuro et L'Aliéniste. Ah oui, mais oui. C'est plus court. Ça, c'est une petite nouvelle, quasiment. Oui, c'est un petit texte qui fait 90 pages où il parle de la folie. Et de la politique aussi. Oui, et c'est très très drôle et méchant. Quand on interne tout un pays, toute oui. une ville. Oui, on voilà. interne toute une ville et on constate que comme on est le seul dehors, c'est qu'on est doit être le fou, ça doit être nous. Alors j'imagine Anne-Marie Mettier, on va parler quand même du programme de cette nuit rêvée, hein, parce qu'il faut les auditeurs se disent mais de quoi va-t-on parler, de quelles oui. sont les archives qu'Anne-Marie Mettier a bien pu choisir. Bah, Machado Assis, non, parce qu'on en a déjà parlé. Mais je donne la liste. Oui, si vous voulez. Alors, texte nu, Le premier homme d'Albert Camus, c'est une lecture, alors c'est une lecture courte, un extrait par Françoise Fabian, c'était diffusé en 1994 dans une émission de Claude Santelli. Je donne la liste hein, de la première partie de votre Nuit rêvée. Ensuite, on entendra Alain Weinstein qui recevait Lydia Georges dans Du jour au lendemain, c'était en 1999. Puis, une émission d'Amaury Chardot, Métronomique, Buenos Aires, 1935, Le tango orphelin. Et Le temps des écrivains, Leonardo Padura, que recevait Christophe Onodibio, ça c'est plus récent, c'était en 2017. On saura la suite, la deuxième partie de votre Nuit rêvée plus tard, Anne-Marie Mettier, mais il faut que vous nous disiez pourquoi Albert Camus, pourquoi Lydia Georges, et pourquoi le tango, et pourquoi Leonardo Padura. Dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure à propos de Machat de Assis et des textes qui arrivaient juste, on était en 83, Lydia Georges a été fondamentale. Il s'est passé dans les années 80 un phénomène extraordinaire au Portugal, c'est que une génération d'écrivains est arrivé avec et a raconté et a rendu compte de ce qu'avait été la décolonisation de l'Afrique lusophone, et cela a été fait d'une façon que je n'avais jamais lu moi dans la littérature française, par exemple par rapport à l'Algérie, et ça a été un vrai choc. Et j'ai publié donc Lobo Antunes, Lydia Georges, et puis ensuite Saramago et Agustina Bessa-Luis. Et Lydia Georges est pour moi particulièrement intéressante, peut-être parce que nous avons créé des liens personnels, amicaux, qui durent jusqu'à maintenant. Quelle était cette façon originale, enfin ou nouvelle, de parler de la décolonisation ? Ils en parlaient vraiment. Ils étaient concernés. Ils rendaient vraiment compte. C'était politique, mais ça n'était pas que politique, parce que la colonisation, c'est aussi un processus qui transforme les individus, qui provoque l'exil, qui provoque des traumas, qui fait souffrir. Et c'était bien de voir la littérature s'en emparer comme ça. Mais c'était aussi un pays qui est habitué à la perte de l'Empire. Oui, vous leur direz ça. Oui, ils ont créé la Saoudade pour ça. Mais quand même, ces écrivains-là parlaient de façon très forte et actuelle. De la décolonisation, oui. au XXe siècle. Camus, alors ? Ben Camus c'est votre pays natal ? Oui, c'est mon pays. Et c'est surtout que... s'il faisait pas très très bon d'être pieds noirs dans ce pays, et que on apprend à le cacher, on dissimule son accent. De quel pays ? De France. La France. Quand au moment de la décolonisation de l'Algérie, c'était très très très difficile. Et il fallait perdre son accent. Il fallait, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai passé un an sans parler à l'école parce qu'on se moquait de moi. Donc, j'ai pas. J'ai lu que vous aviez aussi essayé de perdre. Enfin, vous avez perdu votre accent, voulu perdre votre accent de Toulouse en arrivant à Paris. C'est ah, ben oui, bien perdre sûr. Perdre deux fois dans sa vie son accent. Oui, mais on le peut le retrouver dans les langues que l'on parle. C'est-à-dire que je sais que je parle bien le portugais du Brésil parce que je peux réintroduire tous les rythmes de la langue de mon enfance. Ah, vous n'êtes pas atteint de glossolalie, vous ne parlez pas toutes les langues, mais en tout cas, vous pouvez parler au moins quelques langues avec l'accent, des accents qui vous servent, Anne-Marie Bételier. Ça doit vous aider également, enfin vous nous l'avez dit d'ailleurs, à choisir les textes que vous avez envie de lire. Et finalement, vous avez envie de les lire en regardant une brochure, en lisant Je lis, je prends un livre, je le lis d'un bout à l'autre. Et j'ai envie, je sais qu'il y a là une voix qui apporte quelque chose. Alors pour Camus, ben Camus, quand le premier homme est paru, pour moi ça a été une ouverture, une façon de m'accepter, retrouver des choses de mon enfance, parce que bien sûr Camus était d'une autre génération, mais quand il parle des jeux, quand il parle, ça j'ai joué à ces jeux dans mon village, quand il parle du papier qui enveloppait les beignets, du papier huileux, comme ça, ah, c'était merveilleux, je retrouvais tout. Donc c'était une façon pour moi de récupérer des choses que je ne voulais plus savoir de moi. Et c'est un livre magnifique, et en plus, il a, je crois, dans l'œuvre de Camus, une vibration différente. Parce que pour moi, Camus, c'était le mythe de Sisyphe, c'était la classe de philo. Et j'ai pas été très douée en philo, moi. J'ai pas été. Et là, tout d'un coup, il y avait une sensualité qui était là. Et 30 ans après la mort, ou plus, je ne sais plus combien, il est sorti en 94, je crois. Oui, 94. Je me souviens très, très, très bien. de l'endroit où j'étais, que je suis allée l'acheter. J'étais dans une chambre d'hôtel et je me rappelle toute la lumière. Et c'était une révélation. Vous avez, vous, Anne-Marie Métellier, comme ça, des romans posthumes d'écrivains et vous dites, je le sortirai que dans 10 ans, non, pour je ne sais quelle tout. Raison. Non, non, non. Moi, j'aime les jeunes gens. Non, mais ça n'empêche pas de publier les morts. Enfin, vous non, avez un, bien sûr que non. Un fond. Mais oui, il y a des classiques, il y a des auteurs absolument incontournables. Je préfère publier des auteurs avec lesquels on peut travailler d'abord, et puis avec lesquels on peut. Moi, je me crée une famille élective. Un groupe amical très particulier avec mon catalogue. Mmh. Bon, on voit, et le catalogue et le plan de du monde entier, on voit que vous avez envie d'amis un peu de toutes les régions. Est-ce que vous avez des amis en Grèce? Parce que j'ai pas vu d'auteur grec. Non, nous n'avons pas d'auteur grec, mais le repentico est quand même une musique extraordinaire que j'ai découvert un jour par hasard et je me suis mise à écouter frénétiquement. Alors on va en écouter, non pas frénétiquement, mais avec calme. Alors, pas d'écrivains, pas d'auteurs grecs au catalogue des éditions Métellier, Anne-Marie Métellier, vous qui aimez tant cette musique. Enfin, ça n'a aucun rapport, la musique et la littérature. C'est pas pareil, mais... hein, c'est pas non. Pareil. Non, c'est... il y a eu une série d'émissions sur le Repentico, sur Arte, il y a très longtemps. Et c'était très passionnant, et c'était la musique des exilés, qui partait de Turquie et qui est arrivé dans le nord de la Grèce et qui exprimait une profonde nostalgie, un déchirement. Alors, il y a une musique qu'on va entendre beaucoup plus longtemps, on va l'entendre une heure, c'est dans Métronomique, Buenos Aires, 1935, donc le tango orphelin, l'émission d'Amaury Chardot, qu'on entendra autour de 2 heures cette nuit. Quand on a préparé cette émission, comme ça, vous m'avez donné quelques idées de musique, ou d'émissions, d'archives, et voilà. Le tango, c'est quoi? C'est Anne-Marie Métellier, c'est son jardin secret. J'adore danser le tango. Vous partez tous les week-ends quelque part? Je pars pas tous les week-ends. Danser le tango? Non, mais en France. Ouais. D'abord, je trouve que les paroles des tangos sont absolument incroyables. Il y a pour tous les événements d'une vie affective. Et puis, c'est une danse qui est extrêmement belle et que j'aime danser. En plus, c'est peut-être pour une femme qui est obligée de prendre des décisions tout le temps. C'est peut-être le seul endroit dans la vie où vous n'avez à prendre aucune décision. Tout dépend de l'homme. C'est lui qui vous fait danser. Vous vous abandonnez et vous suivez. Et ça, c'est extrêmement agréable. Donc voilà, c'est un délassement intellectuel, voilà. En fait, le tango. Et oui. Donc une fois par semaine, plusieurs fois, ça ne nous regarde peut-être pas, mais oui. Voilà. Ça oui, oui, j'aime beaucoup danser. Quand je vais à Buenos Aires, je vais dans des milongas. Et j'ai d'ailleurs une complice parmi mes auteurs, qui est Elsa Osorio. Et nous allons toutes les deux avec nos chaussures et nous n'arrêtons pas de danser. Nous sommes des cavalières recherchées. Et quand on va entendre une émission de Temps des écrivains de Christophe Onodibio qui recevait Leonardo Padura, c'était au Marathon des mots à Toulouse, oui. Votre Toulouse, en 2017. Vous dansez avec Leonardo Padura et quelle danse ? Leonardo Padura danse, enfin, c'est un homme digne. Leonardo Padura est spécialiste de la salsa, mais d'un point de vue intellectuel. Donc il connaît l'histoire de la salsa, mais danser, vous savez, il y a des générations d'hommes qui sont pas très portés sur la danse. Et dans ma génération, quand on avait 20 ans, 30 ans, et qu'on était des apprentis intellectuels, les hommes ne dansaient pas. Donc c'est peut-être que la passion pour le tango, ce qui m'est venu déjà à 40 ans, c'était une vengeance. Moi, j'étais une danseuse de bal et j'adorais ça. Et... Mais les hommes dansaient le tango entre eux, non ? Si, dans les années 30 à Buenos Aires, sûrement, mais que je n'étais pas dans les années 30 à Buenos Aires. Non. Et lui, Leonardo Padura, vit ? Il vit à Cuba. Voilà. Il dit ça dans l'entretien avec Christophe Nodibio, qui lui demande, bien sûr, enfin, il est en France, et à Toulouse, donc, quand il est interviewé, mais il ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Cuba, ne serait-ce que pour parler de Cuba, et qu'il est, c'est pas un Cubain. Mais d'abord, quand il fait des tournées en Europe ou aux États-Unis, au bout de 15 jours, il est malade. Il faut qu'il rentre chez lui. Il habite dans la maison où il est né, qui était la maison de son grand-père, de son père, dans un quartier très éloigné du centre. C'est un endroit assez moche, avec un croisement de deux grandes routes où il y a des autobus qui passent tout le temps. Et c'est son quartier, Mantilla. Et la première fois que je suis allée, j'ai pris un taxi et j'ai demandé à aller à Mantilla. Le chauffeur s'est retourné et il me dit « Vous êtes sûr ?» Il m'a dit « Mais c'est très loin, hein, et il n'y a rien !» Je dis « Oui, mais il y a un de mes amis. » Ah, il me dit « Bon, alors ça va. » Est-ce qu'il vous est arrivé, Anne-Marie Métellier, au cours de cérémonies de fêtes, j'imagine, pour les 20 ans, 30 ans et puis donc 40 ans des éditions Métellier, de réunir des auteurs du monde entier ? Oui. De quoi parle-t-il si vous devez passer de l'un à l'autre et c'est le but. Quand je fête les anniversaires, on a fêté les 20 ans, les 30 ans, les 35 ans et cette année les 40 ans. C'est de les mettre ensemble, de les présenter les uns aux autres et c'est très très étrange parce que je pense qu'il y a à l'intérieur du catalogue que j'ai réussi à construire des lignes de force et qu'ils ont en commun, je ne saurais pas définir exactement, mais des préoccupations qui sont pas très très très différentes. Et c'est surtout des lecteurs. Tous mes auteurs sont des lecteurs. Tous mes auteurs me conseillent des livres à lire dans leur sphère. Ils se lisent entre eux. C'est qui est merveilleux. Bon, il y a les fêtes, mais il y a aussi le fait que je me déplace dans les salons du livre internationaux ou à travers l'Amérique latine ou ailleurs, et je les mets ensemble. Donc, j'organise des repas, des activités en commun, et ils s'entendent. Par exemple, l'Islandais Indri Dasson et Luis Sepúlveda s'entendent très très bien. Je ne sais pas dans quelle langue ils parlent. Mais ils s'entendent et c'est créé comme ça une atmosphère où bon, une anecdote. Je reçois un WhatsApp qui vient de Buenos Aires et là-dessus je comprends pas bien ce qu'il y a. Je lis la légende. Nous sommes de la même famille et je comprends pas. Il y a un et je reconnais le Nigérian Leye Adenle et l'Argentine Eugenia Almeida. Et je demande des explications. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on était publiés tous les deux par Métellier, donc on est de la même famille. Vous avez deux auteurs au Nigeria. Oui. Oui, Elnathan John et Leye Adenle. Elnathan John a écrit un livre absolument sidérant sur un enfant élevé dans une madrassa et qui va apprendre l'anglais avec de ses camarades. Il est donc dans la mosquée, il est un petit serviteur dans la mosquée. Et avec l'apprentissage de l'anglais, il va accéder au libre arbitre. Et il va voir que le monde n'est pas exactement comme ce que lui enseigne la religion et que le monde est plus vaste que la religion. C'est un livre né un mardi, c'est pour moi un des grands livres, je suis très fière de l'avoir publié. La nuit dernière, nous avons pu faire entendre aux auditeurs toute une nuit consacrée à l'Inde et donc à la littérature indienne. Vous publiez aussi chez Métellier, Anne-Marie Métellier, un roman, si je vous donne 2 minutes pour en dire le plus grand bien possible. D'une part parce qu'il est publié par vous et d'autre part parce qu'il a toutes les qualités nécessaires. Oui. Qu'en dites-vous ? C'est assez formidable de me donner cette possibilité. C'est Shubhangi Swarup, Dérive des âmes et des continents. Je dois avouer que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon assistante qui m'a dit « Anne-Marie, il faut le faire ». Bon. Et moi, je crois que quand quelqu'un dans la maison croit à un texte, il faut le publier. Donc je l'ai découvert sur la traduction. Et là, j'étais enchantée. C'est un roman qui se déroule le long d'une faille qui va des îles Andaman à l'Himalaya. Il y a un Yeti d'ailleurs. Hein? Il y a un Yeti. Et ce sont des aventures qui se déroulent de long de cette faille. Et c'est la terre qui s'exprime. Et ça commence par l'aventure de d'un homme et d'une femme qui n'ont rien de commun, mais ils savent qu'ils se sont aimés dans une de leurs vies antérieures. Et ils doivent s'apprivoiser. Elle est un peu sorcière, elle parle avec les arbres. Lui, il a été élevé à Oxford, donc il est carnivore. Et elle va l'apprivoiser, il va l'apprivoiser. Et c'est la nature qui va rentrer dans leur vie. Et les arbres ont un rôle important. On n'est pas dans du réalisme magique, c'est que juste la logique du monde n'est pas la nôtre. Elle est autre, elle est tellurique, la nature est très très importante. Je crois que dans ce livre, la nature, pas Gaïa ou choses comme ça, non, mais la nature prend la main sur la vie des personnages, et on va retrouver le petit-fils de ces deux personnages du début, il y a plein d'aventures qui suivent la ligne de faille, va être envoyé par le gouvernement indien, parce qu'on prévoit qu'il va y avoir l'apparition d'une montagne plus haute que l'Everest, et il est chargé de vérifier que ça aura bien lieu à l'intérieur des frontières de l'Inde, parce que pour le tourisme, ça sera beaucoup plus important d'avoir le concurrent de l'Everest. Et là, il va rencontrer son grand-père. Bon, on s'en rend plus en lisant donc « Dérive des âmes et des continents » de Shubhangi Swarup, oui. Publié chez vous, Anne-Marie Metelli. C'est un premier roman, et c'est... Bon, si le premier est comme ça, les autres vont être formidables. Donc vous avez déjà signé des contrats, je suis certain. La nuit rêvée d'Anne-Marie Métellier sur France Culture, et bien donc Albert Camus, Lydia Georges, du tango et puis Leonardo Padura. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour poursuivre votre nuit rêvée, Anne-Marie Métellier.